da vista, perto do coração. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour la 765e fois. Et oui, Electric Shock, c'est quand même plus de 17 ans de métal, bientôt 18, sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, comme le temps passe vite. Donc ce soir, bien donc 2 heures de métal en fusion qui vont vous décrasser les esgourdes, comme d'habitude. J'aurai 4 nouveautés à vous proposer, donc dans des registres, les 4 complètement différents, bien sûr, c'est ce qui fait le charme de l'émission. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Eh bien, on va commencer tout de suite avec très heavy metal, c'est avec l'archétype du heavy metal allemand, le nouvel album de Udo, son 19e, qui s'appelle The Touchdown, qui est sorti fin août. L'ami Udo Dirkschneider, bah, le poids des ans ne se fait pas ressentir. Sa voix est toujours aussi rocailleuse à souhait et ses copains qui l'entourent jouent toujours aussi bien. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, extrait de cet album, The Flood. I'm Accept Overnight Sane Session, extrait de Too Mean To Die, qui est leur dernier album sorti début 2021. Et puis Accept, bah, c'était l'ancien groupe de Udo Dirk Schneider qu'on a eu juste avant avec un extrait de Touchdown, son dernier album. Et c'était le morceau The Flood. D'ailleurs Accept, donc il faut rappeler qu'il n'y a plus que Wolf Hoffmann qui est maintenant d'origine. La suite, eh ben, c'était des nouveautés de la semaine dernière. Alors si vous aimez le rock glam, un peu punk, un peu metal, le tout assaisonné d'horreur à la Alice Cooper, Misfits et compagnie, ben, les Sleazy's, c'est fait pour vous. Et les Sleazy's, ben, ils seront en concert à Orléans au Dropkick samedi soir en compagnie des High School Motherfuckers et de Balls in Head. Donc si vous avez envie de voir ce que ça peut donner que ce Glitter Ghouls from Hell, excusez ma prononciation, en live, eh bien vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, eh bien ce soir en tout cas on s'envoie Monster à gogo. Let's go. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé les Parisiens de Belphégors et leur deuxième album Kill the Pain, c'était No Question of Maybe. Juste avant Sleazy et leur deuxième album Glitter Gay Goals from Hell, et c'était Monster à Gogo. Et Sleazy qui sera en concert donc samedi soir au Dropkick à partir de 20h en compagnie des High School Motherfuckers et de Balls in Head. Eh bien, il va être temps maintenant de se faire la première nouveauté avec du lourd, du très lourd, avec ce qu'on appelle un super groupe, qui s'appelle Empire State Bastard. Alors, c'est tout un programme. Alors, Empire State Bastard, c'est la réunion de Simon Neal, qui est le chanteur et guitariste de Biffy Clyro, accompagné de son pote Mike Venard, ex The Ocean Size et aussi musicien additionnel de la bande de Biffy Clyro. Et ils se sont accoquinés avec Dave Lombardo, qu'on ne présente plus, ancien donc batteur de Slayer, de Testament. Mais là, on pense surtout à son travail avec Mike Patton sur Fantomas, Mr. Bungle, donc du métal barré, extrême, presque grindcore. Et en fait, Empire State Bastard, c'est un peu ça flirte avec le musique vraiment extrême. Enfin, il y en a vraiment, c'est du furieux. On pense à Dillinger Escape Plan aussi par moment. Enfin bref, l'album Rivers of Heresy est sorti le 1er septembre et si vous êtes fan de Biffy Clyro, vous allez être quand même un petit peu surpris quand même par le côté extrême de la chose. Mais enfin bon, je pense que l'ami Simon Neal a voulu se faire plaisir et c'est tant mieux pour nos oreilles. Mais si vous restez un petit peu de cérumen après ce petit passage, je crois que je peux pas grand chose pour vous. Donc on va se faire le single Harvest qui était déjà disponible depuis fin mai. Technique, je pense que la platine a dû faire une allergie à Empire State Bastard parce que bon, il s'est arrêté brutalement, voilà, comme ça, on sait pourquoi. Il a dû se dire, tiens, on va faire chier un petit peu l'animateur. Alors, comme moi aussi je suis chiant, et je vous le remets depuis le début. Fire! petit décrassage auditif vous est offert par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. À l'instant, les Parisiens de Forest in Blood et leur nouvel album Abyss sorti cet été. Et c'était Dying Load, juste avant, première nouveauté de la soirée, le super groupe Empire State Bastard, projet donc de Simon Neal et de Mike Venard de Biffy Clyro et de Dave Lombardo avec ce Slayer Testament. Et leur album Rivers of Heresy, c'était Harvest, qui est le premier single. Et bien, on va revenir à ce qu'était une des nouveautés de la semaine dernière. Une belle découverte en ce qui me concerne, c'est le sixième album de Soen, les Suédois de Soen. Groupe qui contient l'ancien batteur de Opeth, Martin Lopez. Et on va donc se faire un petit extrait donc de Memorial avec Sincère. Selling your Attention, coup de cœur pour Electric Shock à l'instant. Mammoth WVH, extrait du deuxième album Mammoth 2, sorti début août avec le morceau Right. Et ouais, bah, le fiston Van Allen bah, nous montre que son premier album, c'était pas juste un one shot et que bah, maintenant il faut compter sur lui sur le long terme. Et si tout le reste est comme ça bah, plus tard, je pense que ça va devenir un très grand du rock. Juste avant Mammoth, c'était Soen avec son nouvel album Memorial et le morceau Sincere. Et Soen sera en concert à Paris à l'Élysée-Montmartre le 15 octobre prochain. Alors si vous êtes orphelin de Lynyrd Skynyrd et de Allman Brothers, bon, il y a toujours la relève est là avec des groupes comme Blackberry Smoke ainsi que Robert John and the Wreck qui est de retour, enfin qui avec un nouvel album studio et surtout là pour ce qui nous concerne un live enregistré en 2022 qui est sorti au printemps dernier enregistré à Bruxelles, live à The Ancienne Belgique et Robert John and the Wreck, bah, ils seront en concert jeudi prochain à Talcy à côté de Beaugency au Caisson. Alors si vous avez envie de découvrir ce renouveau du rock sudiste, et ben surtout ne ratez pas ça. Si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, et ben écoutons par exemple Oh Miss Carolina. This next song is about drinking. Of Drinking Alone et Oh Miss Carolina, donc tous deux extraits du CD-DVD Live at the Ancienne Belgique, enregistré en 2022. C'était donc Robert John and the Wreck qui sort, et Robert John and the Wreck seront en concert donc jeudi prochain à Talcy au Caisson. Eh bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée avec un groupe de chez nous, d'Orléans, et oui. Qui vient de sortir donc son premier album. Alors ce groupe existe depuis 2021. Il s'appelle Pledge of Healing. C'est surtout l'association de Cyril qui s'occupe de composer la musique, de jouer la guitare et des claviers et des chœurs, et de Claire qui se charge des paroles et du chant ainsi que des claviers. Alors musicalement, c'est au croisement du trip-hop, du rock, de la musique progressive. Donc ça fait penser un petit peu à des choses comme Massive Attack, Anathema, Muse, Radiohead, mais pas que, enfin tout ça c'est bien digéré. Et leur premier album One Step Closer qui est sorti donc au mois de janvier, je sais vous allez me dire c'est un petit peu tard, mais bon, ils ont la gentillesse de me l'envoyer là cet été, donc c'est pour ça qu'on vous en passe que maintenant. Eh bien, on va se découvrir. Si vous ne connaissez pas, on va découvrir avec le morceau Hopes and Dreams. I'm not afraid to Tout en retenue, c'était les Alsaciens de 12 Diversions avec leur premier album Forwards Become Backwards, sorti au début avril. C'était I Would Like It With You. Tout nouveau, tout chaud pour Electric Shock, c'était donc bien chez nous les Orléanais de Pledge of Healing et leur premier album One Step Closer, sorti en tout début d'année. C'était Hopes and Dreams. Eh bien, la suite, c'est comment faire du neuf avec du vieux ou comment faire ressusciter la nostalgie. Alors, certains adorent, certains détestent. Bref, ce groupe ne laisse personne indifférent et qui ont une ascension météorique. C'est de Greta Van Fleet, dont je vous parlais, qui a sorti son nouvel album là au mois de juillet, qui s'appelle Starcatcher. Puisque, excusez du peu, puisqu'en 2018, en début d'année, il jouait aux Étoiles à Paris. En fin d'année, il jouait à l'Élysée Montmartre. L'année suivante, c'est-à-dire 2019, c'était le Zénith qui remplissait. Et là, cette année, au mois de novembre, c'est Bercy. Enfin, pardon, l'Accor Arena Hotel. Alors, certains détestent, certains portent au nu. Bon, quelque part, je pense que la vérité entre les deux. Extrait de cet album, en tout cas, si vous êtes orphelin de Led Zeppelin, c'est fait pour vous. The Indigo Streak. Why am I good? Ah bah eux aussi, ça c'est clair qu'ils avaient avalé leur manuel du parfait petit Led Zeppelin illustré et qu'ils l'ont vraiment appris par cœur. Il y a 35 ans, Kingdom Come faisait sensation avec son premier album. Ça, il s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires à l'époque et par contre le suivant fait pchit. Et oui, l'effet de surprise étant passé, et Kingdom Come, après, même s'ils ont continué, sont vite retombés dans les ténèbres du métal. Pour la petite histoire, Kingdom Come avait pour batteur James Kotak, qui s'est fait connaître quelques années plus tard en tant que batteur de Scorpion. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Juste avant Kingdom Come, un peu dans le même esprit, Greta Van Fleet, par contre, sont beaucoup plus jeunes et viennent de sortir leur quatrième album Starcatcher, et c'était The Indigo Streak qu'on a eu là tout de suite, maintenant. Actuellement, la rentrée des classes, c'est fait. Pour les Girls' School, c'est leur 45e. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont sorti leur nouvel album qui s'appelle WT45. Et sur cet album, figure, ça aurait été évident, un hommage à leur grand copain Lemmy, dont d'ailleurs ils ont refait une reprise du Born to Raise Hell qui figurait sur March or Die. Et pour ça, ils ont bien sûr demandé à Phil Campbell de venir faire un tour. Et ils ont appelé aussi leur copain Duff McKagan de Guns et Biff Byford de Saxon, sans surprise. Donc, en hommage à Motorhead, Girls' School, Born to Raise Hell. Let's daddy, I'm part of the city where the sun does refuse to shine. People tell me there ain't no use in trying, no. Gotta get out of this place, le classique des Animals, groupe mythique des années 60, et ben c'est Saxon qui le reprenait sur son nouvel album de reprise More Inspiration, sorti au printemps dernier. Saxon, dont on retrouve Biff Bifford au cœur sur cette reprise de Motorhead qui figure sur le nouvel album de Girls' School, où en compagnie des écolières, il y avait également Phil Campbell, ex-Motorhead, et Duff McKagan de Guns N' Roses aussi, qui ont voulu donc rendre un dernier hommage à ce groupe mythique, Born to Raise Hell, donc reprise qu'on peut retrouver sur l'album WT45. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient de Marseille, Putting Kong, qui s'appelle MIATW. Alors derrière cet acronyme, qu'est-ce qui se cache? Ça veut dire Me Against the World. Alors avec un nom comme ça, vous doutez bien que ça va pas être de la balade et de la guitare acoustique, non. Puisqu'on a un mélange d'énergie assez hybride, on y retrouve du punk, du heavy, du hardcore, enfin bref, que de la musique douce. Pour ce groupe qui existe depuis maintenant 10 ans et qui a déjà sorti un EP et un album, et là ils arrivent tout chaud avec leur nouvel EP qui s'appelle Through the Looking Glass. Et bah, si vous voulez décrasser les esgourdes, Save the World, bah, je pense que ça va le faire. son. I got the pack behind me like a Madison. With the devil still dancing in the mosh pit. Head pumping in the whip till I'm car sick. Let me jump start this with the car rips. Let me jump the gun just like a cartridge. Environments. I'm on the top of the food chain, I silence them. You gotta fight to survive on a higher plane. You gotta fight for your life, that's a lot of pain. Come and let it rain, any type of weather. Every day I'm on the ground like a Black Panther. Black Mamba, I'll never miss a shot. Yeah, we staying on top, let the drums drop. This ain't no punk pop, this shit is heavy metal. You gotta turn this shit up to the highest level. Don't be your feet and look on board. You better run or you lose, because we're coming for yours. So I fly, fly past, fly, fly, fly, fly, fly. Like a beast that's unleashed, with the skin right off the bone with my teeth. I am king of the jungle concrete. Don't leave the seat of your car in these streets. Bustin' with the wild pack, we don't need a sound check. When I jump off stage, I make the ground crack. Running with the crowd that's always on the prowl at. Hours after midnight, looking for a fist fight. The rhythm hit them again and we getting busy with them. Kill them with a grin and we stickin' a lot of venom in them. Got stepped on, ripped through Teflon. That's your left arm with its fresh dawn. Rest on the ground they layin' in. Bones in the cave I'm staying in. Oh, I'm slaying them. And it's gonna get a lot worse. Fight to the death means it's whoever drives first. Teeth glisten in the dark when we smile back. 100 eyes growing red, it's the wild pack. Wild pack, wild pack, wild pack, wild pack. Electric Shock, c'est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et bien à l'instant, c'était les Tambours du Bronx et leur dernier album Evolution. C'était le morceau Razorback. Juste avant, venu de Marseille, c'était la troisième nouveauté de la soirée, MHATW, Me Against the World, et leur nouvelle EP Through the Looking Glass, et c'était Save the World. Est-ce qu'un petit instrumental, ça vous dirait? Eh ben tiens, si on revenait à la compile United Guitars Volume 4, sortie fin juin, et ben, je vous propose de découvrir Life is a Clock, l'instrumental de François Tuffé. François Tuffé, c'est quelqu'un qui travaille plutôt dans la publicité et dans le cinéma, donc là, il a voulu se faire plaisir. Allez, on découvre son univers. Thank you. Life is a Clock, c'était un extrait de la compil United Guitars volume 4 et c'était le guitariste François Truffet. Et bien on va se faire la quatrième et dernière nouveauté de la soirée, pour ça je vais vous faire voyager un petit peu, puisqu'on va aller au Brésil retrouver Crypta et son deuxième album. Alors Crypta, qu'est-ce que c'est? Alors c'est vrai que quand on voit ces charmantes jeunes filles, on se dit ah ça va être tout doux, tout gentil, et en fait pas du tout, puisqu'en fait... Crypta, ça a été créé quand même par la bassiste chanteuse Fernanda Lira et la guitariste et la batteuse Luna D'Ameto, qui toutes les deux venaient de Nervosa. Si vous vous rappelez, Nervosa, c'est quand même du furieux mélange de tongs de trash et de death metal. Donc, musicalement, on n'est pas très loin de Nervosa. C'est très très bien joué. Et ils ont sorti donc leur deuxième album qui s'appelle donc Shades of Sorrow. Et donc là, on va se faire une petite douceur qui s'appelle Dark Clouds. Et pour se mettre dans l'ambiance, une petite intro qui s'appelle The Aftermath, donc tous deux extraits donc, de cet album. Thank you. C'était Destroy, et puis bon, c'était un document, un inédit de Creator, Satan's Day, qui figurait donc sur leur deuxième démo qui s'appelait donc Blitzkrieg, c'est un programme qui était sorti en 1984, à l'époque le groupe s'appelait encore Tormentor, et ça s'est sorti sur l'album Bone Crushing Demos and Rehearsals 84 et 85, donc qui regroupe les démos du groupe à cette époque-là, plus des répétitions de l'époque. Donc on peut se permettre de voir quand même le chemin parcouru en presque 40 ans quand même. Juste avant Creator, eux ils viennent du Brésil, c'est leur deuxième album, c'est les charmantes jeunes filles de Crypta, leur deuxième album Shades of Sorrow, vous avez eu le morceau Dark Clouds et la petite intro The Aftermath. Et bah tiens, on va revenir maintenant, on va changer de style avec le nouvel album de Parrish que je vous ai présenté ça je crois 15 jours. Un petit extrait de You In Both Dream and You're Scared, c'est House Seas of American Style là, plus soft. crushing everything in inside. This is a new world, a new day, a new life. Like a queen without a crown. Les copains d'Orpheum Black, leur deuxième album d'Outer Space. Si vous vous souvenez, Orpheum Black était venu nous rendre visite pour présenter cet opus. C'était au mois d'avril, juste avant Orpheum, avec le morceau donc Inner World. Juste avant Orpheum Black, c'était Parish et leur album You're in Both Dreams and You're Scared. Et le morceau Houses of American Style. Bon, on a le temps de se faire un petit morceau avant de se dire au revoir. Et ben, on va revenir, tiens, sur l'excellent et le dernier album de Rival Sons, Dark Fighter. Et on va terminer en beauté avec Dark Side. something's got you talking in your sleep. Something's put a splinter in your hand. Are you able to protect the ones you love? Are you able to protect the ones you love? Something's put a tremble in your hand. There are no promises to keep anymore. Now that you've gone to the dark side, there are no promises to keep anymore. C'était le superbe Dark Side, extrait du non moins excellent Dark Fighter, le dernier album de Rival Sons. Rival Sons qui sera en concert prochainement, je crois que c'est le 27 octobre à l'Olympia, ça va promettre. Et Electric Shock, c'est fini. Eh bien, merci d'avoir suivi ce programme du métal. Mais la musique continue. C'est le Before dédié à tous les Nightclubbers qui commence maintenant en compagnie de l'ami Christophe, qui je ne sais pas ce qu'il nous a préparé ce soir. Salut Christophe. Salut. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, un set Classic House. Voilà. Voilà, donc, pour le Before, avant le week-end, pour vous mettre déjà en jambes. Voilà, pas de news ce soir, mais que du Classic House. Voilà. Eh bien, je vous laisse en compagnie de Christophe et d'Electro Live, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!